Chapitre 29e. Cependant, ces paroles de Gaston de Pompérant lui donnèrent à réfléchir. Si le colonel Chamberlain avait dû, au dire de son ami, revenir à sa petite cousine après sa rupture avec Madame de Lucilière, n'y reviendrait-il pas après sa rupture avec Carmélita? Ce n'était pas certes pour ce résultat qu'il travaillait, le baron. Le baron était trop au courant de ce qui touchait le colonel pour ne pas connaître cette Thérèse, que Gaston venait de lui représenter comme dangereuse. Mais le mariage de Carmélita la lui avait fait négliger. Il n'avait pas même pensé à elle. Puisque le colonel épousait Carmélita, c'était la meilleure preuve qu'il n'aimait pas cette petite faubourienne, comme on l'avait dit à un certain moment, ou que, s'il l'avait aimée, il avait maintenant rompu avec elle. Mais les paroles de Gaston lui firent envisager la question à un point de vue moins vague. Pour que Gaston eût ressenti une belle peur à la pensée que le colonel, se séparant de Madame de Lucilière, allait retourner vers sa cousine, il fallait que le sentiment qu'il éprouvait pour cette petite fille existât toujours et fût sérieux. Il est vrai que ce retour n'avait point eu lieu, comme Gaston le craignait, et comme cela était indiqué. Qui avait empêché ce retour? L'habileté du prince Mazzazzoli qui avait su contrarier et finalement paralyser les dispositions naturelles du colonel. Livré à lui-même, le colonel serait donc retourné à sa cousine. Cela était grave. Encore, si le baron avait pu savoir quels avaient été les moyens employés par le prince Mazzazzoli. Mais, sur ce point comme sur bien d'autres, il était obligé de s'en tenir à des conjectures plus ou moins fondées. Le seul fait certain était sa solitude en Suisse avec Carmélita, et partant de ce fait, il était facile d'imaginer comment le colonel s'était laissé prendre aux séductions du tête-à-tête. Ne voyant que Carmélita, vivant près d'elle du matin au soir, se promenant avec elle, il avait dû tout naturellement s'abandonner à un sentiment qui, n'existant pas à son départ de Paris, avait peu à peu si bien grandi qu'il l'avait amené à un mariage. Cet isolement était sans doute un coup de maître. Mais il s'était produit dans des conditions particulières, qu'il n'était pas facile de renouveler à volonté et au moment propice. En rompant avec Carmélita, le colonel se sauverait-il de Paris pour s'aller cacher en Suisse ou ailleurs? Cette fuite, aux yeux du baron, n'était guère probable, car, pour lui, ce que le colonel éprouverait en décidant cette rupture ne ressemblerait en rien à ce qu'il avait ressenti lorsqu'il s'était éloigné de Madame de Lucilière. Les circonstances n'étaient pas du tout les mêmes, surtout les sentiments du colonel. Lorsque le colonel avait quitté Paris, c'était sous le coup d'une profonde douleur, peut-être par crainte de faiblesse et de lâcheté de cœur, car il adorait la marquise, et cette séparation devait le désespérer. Adorait-il Carmélita? Le baron en doutait, et bien qu'il répétât partout, « Voyez donc comme le colonel Chamberlain aime Mademoiselle Belmonte. C'est un mariage d'amour. » Il n'était nullement convaincu de l'existence de cet amour, bien au contraire. Sans doute, le colonel prenait Carmélita pour sa femme. Il n'y avait pas à le nier. Mais la raison déterminante de ce mariage, le baron ne la trouvait pas dans une grande passion ressentie par le colonel. La passion éclate aux yeux de tous, même des moins clairvoyants, et l'éblouit ceux qui s'en approchent. Ces éblouissements, le baron n'en avait jamais été frappé, et cette raison déterminante, il était encore à la trouver. Mais ce dont il était certain, ce qu'il affirmait, c'était que le sentiment que le colonel éprouvait pour Carmélita ne ressemblait en rien à celui qu'il avait fait si longtemps l'esclave de la marquise de Lucilière. Les choses étant ainsi, et il croyait bien ne pas se tromper, le résultat de cette seconde rupture devait être autre que celui de la première. Son mariage manqué, le colonel ne quitterait pas Paris. Et ne quittant pas Paris, il était possible, il était à craindre, qu'il se rapprochât de sa petite cousine. En même temps qu'on provoquait la rupture de ce mariage, il fallait donc s'arranger pour que le colonel n'eût pas l'idée d'aller chercher des consolations, s'il en avait besoin, auprès de Thérèse. Déjà le baron avait travaillé utilement dans ce sens. Le jour où le colonel n'irait plus chez le prince Mazzazzoli, il devait avoir l'idée de venir dans une maison où l'on prenait à cœur de lui plaire de toutes les manières, et cette maison était l'hôtel de la rue du Colisée. telle était la raison qui avait inspiré les cajoleries, les flatteries, les instances, les invitations dont le baron et Ida avaient accablé le colonel depuis son retour de Suisse. Lorsque, tout à coup, des habitudes prises viennent à se briser, on éprouve des moments de désœuvrement et de vague inquiétude. Quelque chose vous manque, qu'on ne sait par quoi remplacer. Le baron comptait que, dans ces moments, le colonel penserait à la maison où, en ces derniers temps, il avait été si bien accueilli, et que, s'il ne venait pas tout de suite demander des consolations à Ida, il viendrait au moins chercher près d'elle des distractions. Mais ces distractions, il pouvait aussi bien avoir l'idée d'aller les chercher auprès de Thérèse Chamberlain, et il ne fallait pas que cela fût. Séparé de Carmelita, il ne devait trouver près de lui que la seule Ida. C'était répéter à son profit la tactique du prince Mazzazzoli et s'approprier un moyen qu'ayant réussi une première fois, devait réussir encore une seconde. Seulement, les difficultés étaient grandes, car il se présentait tout d'abord une question pour laquelle l'exemple du prince Mazzazzoli n'offrait pas de solution. Comment se débarrasser de Thérèse et qu'en faire? Le prince n'avait pas eu à lutter contre un danger de ce genre, puisqu'alors le colonel était en Suisse, loin de Thérèse. Mais le baron n'était pas homme à se décourager devant une difficulté, si sérieuse qu'elle peut être. Jamais il n'abandonnait une partie commencée, et il allait jusqu'au bout, dût-il être battu. Il se mit donc à étudier cette question et à chercher un moyen de la résoudre, qui, tout en étant sûr, ne le compromit pas, car il ne fallait pas s'avancer à l'étourdir en cette affaire, ni s'exposer à blesser le colonel en agissant d'une façon brutale et surtout directe contre un membre de sa famille. Le premier point à obtenir, c'était de savoir ce qu'était cette petite Thérèse, et de réunir sur elle autant de renseignements qu'il était possible, afin de chercher dans ces renseignements un moyen d'action. Mais c'était là une tâche peu commode, au moins pour le baron, qui ne pouvait pas aller entreprendre une enquête de ce genre en plein faubourg Saint-Antoine, dans la maison d'un ouvrier, comme il avait pu en entreprendre une aux Champs-Élysées, dans la maison du prince Mazzazzoli. Heureusement, cette enquête pouvait être faite par des tiers, et le baron n'avait pas besoin de la poursuivre lui-même. Restant soigneusement dans la coulisse, sans même laisser voir son ombre, il devait se contenter de faire jouer cette pièce par des marionnettes qu'il ferait agir et dont il tiendrait les fils dans sa main. Il n'avait qu'à reprendre et à répéter la tactique qui lui avait si bien réussi lorsqu'il avait voulu savoir comment la marquise de Lucilière s'introduisait la nuit chez le colonel. Seulement, cette fois, ce n'était pas d'une balayeuse qu'il devait se servir. Ce n'était pas ce que Thérèse faisait dans la rue qui l'inquiétait, c'était ce qui se passait chez elle. C'était donc quelqu'un qui pénétra journellement dans l'intérieur d'Antoine Chamberlain et qui fut en relation suivie avec celui-ci qu'il devait employer. Pour tout autre que le baron, un agent réunissant ses conditions et de plus étant assez intelligent pour s'acquitter de sa mission, assez fin pour tout voir, assez discret pour ne rien dire, eût été difficile à trouver. Les financiers, en effet, n'entretenant pas ordinairement des rapports intimes avec les menuisiers ou les ébénistes. Mais ce qui eût été à peu près impraticable pour un financier français, anglais ou russe, ne l'était pas pour un financier allemand, ayant, comme le baron Lazarus, des relations avec la colonie allemande établie à Paris, dans celle qui habite les hôtels de la chaussée d'Antin, aussi bien que dans celle qui grouille dans les bouges de la colline, ce quartier central des balayeurs essois, ou dans ceux du quartier Saint-Marcel. Ce n'était pas seulement sur les riches étrangers que Paris, à cette époque, exerçait une toute-puissante attraction. De tous les coins du monde, l'ancien comme le nouveau, on accourait à Paris. Mais ce n'était pas uniquement pour y mener la vie de plaisir. On y venait encore pour mener la dure vie du travail, pour s'enrichir ou pour gagner le morceau de pain qu'on ne trouvait pas dans son pays, trop pauvre. À tous, riches ou misérables, Paris ouvrait ses portes. Soyez les bienvenus, amusez-vous, travaillez, vous êtes chez vous. Nous n'avons de défiance ou de jalousie contre personne. C'est à l'entrée de Paris que devrait être accrochée cette enseigne qu'on ne trouve plus que dans les villages perdus, au soleil d'or, il luit pour tout le monde. Cela vaudra bien le fluctuat net mergitur. De tous les étrangers, ceux qui avaient le plus largement profité de cette hospitalité étaient les Allemands. Combien y avait-il d'Allemands à Paris? On ne le savait pas. Les uns disaient 40 000, les autres plus de 200 000. Et ce qui rendait la statistique à peu près impossible, c'était que les Allemands, contrairement à ce qui se produit généralement, cachaient souvent leur nationalité. À ce moment, ils n'étaient pas encore fiers de la grande patrie allemande, et bien souvent, quand on demandait quel était leur pays à des gens qui prononçaient d'une étrange façon les P, les B et les V, ils vous faisaient des histoires invraisemblables. Si l'on avait inscrit au compte de l'Alsace tous ceux qui se disaient Alsaciens, on aurait trouvé qu'il y avait plus d'Alsaciens à Paris que dans le Haut-Rhin et dans le Bas-Rhin. Quoi qu'il en fût du chiffre exact, il y avait un fait certain, qui était que ce chiffre était considérable. Partout, des Allemands. Dans la finance, des Allemands. Dans le commerce d'exportation et de commission, des Allemands. Chez les tailleurs, des Allemands. Chez les bottiers, des Allemands. Dans les hôtels, comme Kellner, comme Oberkellner, des Allemands. Pour balayer une rue, des Allemands. Dans le charronnage, la carrosserie, l'ébénisterie, des Allemands. Il y avait dans Paris des quartiers exclusivement occupés par des Allemands. La Colline, à la Villette, d'autres sans nom particulier à Batignolles, à la barrière de Fontainebleau, au boulevard Richard Lenoir, et dans ces quartiers de grandes cours allemandes, de Deutschehofe. Nulle part, si ce n'est dans les villes du nord des États-Unis, on aurait trouvé une pareille agglomération d'Allemands. Le baron Lazarus, bien qu'il n'occupât à Paris aucune position officielle, et qu'il ne fût ni consul, ni chargé d'affaires d'aucun petit prince allemand, était en relation avec le plus grand nombre de ses compatriotes. Avec les uns, ceux qui formaient la tête de la colonie allemande par les affaires. Avec les autres, ceux qui se trouvaient au bas de l'échelle par des œuvres de bienfaisance ou de propagande religieuse. Les financiers de la chaussée d'Antin lui serraient la main. Les carriers de la barrière de Fontainebleau, les balayeurs de la Villette, les ouvriers du quartier Saint-Antoine le connaissaient. Plusieurs de ces derniers venaient même quelquefois rue du Colisée, et lorsqu'ils étaient enfermés dans son cabinet, où il les recevait seuls, son secrétaire veillait sur sa porte pour la défendre. Lorsqu'il parlait de lui, il le faisait d'une façon mystérieuse, et lorsqu'on les interrogeait sur leurs relations assez étranges avec un homme occupant une haute position sociale comme le baron, ils répondaient contradictoirement. Pour les uns, le baron était simplement un banquier qui voulait bien faire passer, généreusement et sans frais, à leur famille l'argent qu'il lui remettait. Pour les autres, un peu plus franc, c'était le correspondant d'associations établies dans la mère patrie. Avec ses relations parmi les ouvriers parisiens, le baron pouvait organiser les recherches qu'il désirait, car plusieurs de ses ouvriers étaient les camarades et les amis d'Antoine. Il n'eut qu'un mot à dire pour qu'on lui indiquât à qui il devait s'adresser. Hermann est l'ami d'Antoine Chamberlain. Il le connaît bien, il se voit tous les jours. Hermann était précisément un de ces ouvriers que le baron recevait mystérieusement ou tout au moins avec lesquels il s'enfermait. Mandé par un mot pressant, il arriva le soir même rue du Colisée. Et en moins d'une heure, le baron connut Antoine Chamberlain comme s'il avait été en relation avec lui depuis plusieurs années. Il comprit quel était le rôle qu'il avait joué. Et il sentit quelle était son influence. Mais Thérèse... Les réponses d'Hermann ne pouvaient être que plus vagues sur cette petite fille, qu'il avait bien souvent vue, mais sans jamais la regarder, et qui pour lui était sans importance. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il était question d'un mariage entre cette jeune fille et l'associé d'Antoine, un jeune sculpteur sur bois, nommé Michel, un brave garçon aussi, et qui comme homme valait Antoine. Le baron respira. Si Thérèse épousait ce jeune sculpteur, cet associé de son père, elle n'était pas à craindre, et l'on pouvait ne pas s'occuper d'elle davantage. Mais il n'avait pas pour habitude, dans les affaires sérieuses, de se contenter d'un non-dit ou d'un à peu près. On parlait de ce mariage, mais sur quoi reposait-il? Était-il certain? Quand devait-il se faire? Pourquoi n'était-il pas encore fait? C'était ce qu'il fallait savoir d'une façon précise, en s'en informant d'une manière adroite. Et comme il ne convenait pas au baron de se livrer, même à ceux dont il se croyait sûr, il voulait expliquer l'intérêt qu'il portait au mariage de cette petite fille. Ce que vous me rapportez d'Antoine Chamberlain, dit-il, confirme pleinement ce que j'en savais déjà. C'est bien certainement un homme qui peut rendre les plus grands services à la cause à laquelle j'ai voué ma vie, et pour laquelle j'ai combattu un des derniers, avec Mirolavski, à Leutershausen et à Waghäusel. Mais sa fille le gêne. Il faut qu'on s'en débarrasse. Il ne peut pourtant pas la tuer, d'autant mieux que c'est vraiment une jolie fille. Assurément non, car nous ne sommes plus au temps, malheureusement, où Brutus faisait tuer ses deux fils pour assurer la liberté. Je comprends très bien qu'Antoine Chamberlain ne tue pas sa fille, mais qu'il la marie. Il doit la marier. Mais quand doit se faire ce mariage? Il faut savoir cela, mon brave Hermann, et discrètement. Et le brave Hermann, qui lui aussi avait reçu du ciel d'heureuses dispositions pour faire des recherches et des enquêtes, s'occupa d'apprendre quand Thérèse devait épouser Michel. Au reste, cela ne lui donna pas beaucoup de peine, et après avoir interrogé adroitement Antoine, qui se livra peu, Michel, qui se livra moins encore, et enfin Denisot, qui parla tant qu'on voulut l'écouter et emplir son verre, il apprit que la date de ce mariage était fixée à la fin de l'année 1870. « Et pourquoi cette date éloignée ?» demanda le baron, lorsque Hermann, tout fier de sa découverte, lui reporta cette nouvelle. « Une idée de la jeune fille. Son père voudrait avancer le mariage. C'est un brave homme. Il est exposé à être renvoyé un de ses jours en prison, et il voudrait marier sa fille avant. Mais la petite ne veut pas. Pourquoi ne veut-elle pas ? On ne sait pas. Idée de jeune fille, sans doute, elle ne donne pas ses raisons. » Cela n'était pas pour rassurer le baron. Avant la fin de 1870, il pouvait se passer tant de choses. En tout cas, ce qui se passerait certainement, ce serait la rupture du mariage du colonel et de Carmelita. Or, à ce moment, Thérèse n'étant pas la femme de l'ouvrier Michel, le colonel pouvait très bien revenir à elle et l'épouser lui-même. C'était cela précisément qu'il fallait empêcher, n'importe à quel prix. Et deux seuls moyens se présentaient. Il fallait que Thérèse fût la femme de Michel quand le colonel romprait avec Carmelita. Ou bien il fallait qu'à ce moment elle ne fût pas à Paris. Évidemment, ni l'un ni l'autre de ces moyens n'était d'une réalisation facile. Mais où irait-on si l'on s'arrêtait découragé devant ce qui est difficile? Le baron ne s'arrêta pas. Et bravement, il résolut de poursuivre avec activité l'exécution du moyen qui, au premier abord, pouvait sembler presque impossible, et qui en réalité était le plus sûr et le seul praticable, c'est-à-dire le départ de Thérèse. Car de compter que le mariage de Thérèse serait avancé, il ne fallait pas l'espérer. Combien de négociations pour arriver à cela? Combien de délais? Jamais ce mariage ne pourrait se faire avant la rupture du colonel et de Carmelita, et alors il serait trop tard. Il valait donc mieux que Thérèse quittât Paris, et c'était à ce départ qu'il devait employer les ressources de son esprit, son énergie, ses relations. D'un côté, hâter ce départ. De l'autre, retarder autant que possible la déclaration de guerre de Bayeux. Et le succès était possible. Sans perdre de temps, il appela Hermann à son aide. « Ce que vous m'avez dit d'Antoine Chamberlain est malheureusement vrai. J'ai appris confidentiellement qu'il allait être arrêté sous l'inculpation de sociétés secrètes. Prévenez-le. Qu'il ne se laisse pas prendre, mais ne lui dites pas de qui vous tenez ce renseignement. Antoine ne voudra pas se sauver. Il aura tort, et je ne saurais trop vous engager à user de tous les moyens pour l'y décider. Si votre association est d'avis qu'Antoine Chamberlain peut vous servir mieux en restant libre qu'en se laissant mettre en prison, il me semble qu'il n'aura qu'à obéir. Et cela est facile à démontrer. C'est votre affaire, mon brave Hermann. Antoine a de mauvais antécédents judiciaires. La justice le condamnera sévèrement. Il aura au moins 3 ans de prison et peut-être plus. Croyez-vous qu'il ne vous manquera pas pendant ces 3 ans? Assez d'autres seront pris, qui affirmeront hautement vos droits. Antoine a trop de valeur, être réduit à ce rôle de martyr. Il ne voudra jamais partir. Il le voudra, s'il ne peut pas refuser, et surtout s'il voit qu'il peut être utile. C'est précisément ce qui aura lieu. Vous rappelez-vous ce qui s'est passé en 1867, au moment où l'on a pu craindre une guerre entre la Prusse et la France? Les ouvriers ont écrit et signé des adresses fraternelles qui se sont échangées entre Allemands et Français. Eh bien, Nous sommes peut-être à la veille d'événements plus menaçants qu'en 1867. La guerre est dans l'air, tout le monde la sent. C'est le moment plus que jamais de revenir à ses adresses fraternelles. Antoine Chamberlain est connu des chefs de votre association en Allemagne. Il pourrait exercer une utile influence et entraîner une vigoureuse pression sur l'opinion publique. Et quoi qu'on dise, on compte toujours avec l'opinion publique. Je vous marque cela en deux mots et laisse votre intelligence tirer les conséquences de cette indication. Antoine Chamberlain n'a aucun rôle utile à remplir à Paris. Il en a un d'une importance capitale à prendre en Allemagne. Il me semble que vous devez le décider à partir. Commencez par mettre vos archives en sûreté, et vous-même, mettez-vous-y aussi, au moins ceux qui le peuvent et qui le doivent.